Vous avez dit la fois passée, je ne sais pas à qui je l'ai dit, en tout cas je ne sais pas si je l'ai dit à la chair comme ça, mais je le disais, quand je suis là au Congo, je suis vraiment, vraiment à l'aise, je crois que je suis fait pour prêcher là-bas. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou si je l'ai dit à tout le monde ou à quelqu'un comme ça. Alors, comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire que j'aime mieux, que je voudrais être là-bas, etc. Non, non, c'est mon église ici et j'aime mon église et je ne voudrais pas quitter mon église et je veux rester pasteur ici et j'aime mon église. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que je suis là aujourd'hui et que j'ai refusé, je le dis vraiment, à la pression pour me faire remplacer. Non, non, non, non, je rentre. Alors que j'assure que je serais bien resté, ça fait du bien d'être là en pleine nature, etc. Non, j'aime mon église, c'est pas ça, mais je dis, je vous dis ça pour dire que, je suis à l'aise là, parce que là quand je prêche, hein, Jean-Paul, je sais qu'on ne va pas me regarder en disant, mais je le sais, hein, c'est comme ça, hein, on ne va pas me regarder en disant, ouais, il parle trop fort, il fait ceci, non, voilà, parce que c'est une autre culture, je sais pas, c'est tout, je juge vraiment personne, je vous dis simplement que ça me convient, alors... Je vais un peu me retenir, parce qu'ici, je me retiens toujours un peu, mais s'il vous plaît, pas totalement, parce que quand je me retiens, ça m'empêche, mais vraiment, vous hein, voyez, j'ai l'impression, quand je me retiens pas, ça, je suis là, Saint-Esprit, et puis c'est tout. Et pas toujours réfléchir, ouais, mais ceci, ouais, mais cela, j'ai pas envie, voilà. Et alors, et moi j'ai une forte voix, donc, voilà. Alors, Philippe est là, il baissera le son, c'est pas grave, j'ai pas besoin de micro. Bon, voilà, ça va, les petites choses étant dites... Voilà, je vais commencer. Je voudrais vous dire ceci. Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Amen. Oui. Dieu veut faire une chose nouvelle et des choses nouvelles dans l'Église. Il veut commencer des choses qu'il n'a pas faites auparavant, qu'il n'a jamais faites ici, et qu'il va faire. Il veut commencer des choses nouvelles. Mais ça ne commence pas par l'Église, ça commence par toi. Parce que l'Église, avant tout, c'est l'Église, c'est nous. Donc, le Seigneur ne fait pas des choses, il ne fait pas des choses de groupe, il fait des choses, il travaille d'abord individuellement, vous comprenez ça? Il ne va pas faire quelque chose, non, non, non, non, non, parce que le Seigneur, tu n'es pas un numéro, tu es quelqu'un que Dieu considère à part entière, allez, je vais dire ça comme ça. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Mais il y a un mais, évidemment. Il faut savoir comment Dieu veut faire ces choses nouvelles, pourquoi, etc. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il veut faire quelque chose que... Oui, je prends la louange. Alors, pardonnez-moi, mais la louange. Quand on est dans le monde de louange, excusez-moi, mais... Hier, on était en voiture pour revenir... Et Luana lisait un livre et puis elle dit « Oh, c'est intéressant ». Et puis je dis « Lis un peu tout haut ». Et puis alors elle dit tout haut. Je dis « Ah ouais, c'est vrai, c'est exactement ce que je pense ». J'ai dit ça souvent, mais d'une autre façon. Et en fait, ça parlait des relations dans l'Église, etc. Et du fait de dire la vérité. Et c'est vrai que la Bible dit que quelqu'un qui aime, il dit la vérité. Et souvent, on ne dit pas la vérité. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de blesser, etc., etc. Mais les choses n'avancent pas comme ça. Quand tu ne dis pas la vérité à celui que tu aimes, tu n'es pas un ami, il n'avance pas comme ça. L'Église, c'est pareil. Alors, permettez-moi de vous dire quelque chose. La louange, ça ne va pas, hein. Ça ne va pas, hein, franchement. On dirait en wallon, mais des édermous, hein, franchement. Vous êtes là comme ça. Ça ne va pas. Non, allez, je le dis en rigolant, parce que, hein, c'est pour le dire en rigolant, parce que je ne juge personne, je ne vois pas vos cœurs. Hein? Et je suis sûr qu'il y a des personnes je sais qu'il y a des personnes qui cherchent, et je ne sais pas dire qui, hein? D'accord, ça va, donc ne vous sentez pas jugé, voyez le truc encore, voilà, je suis à Warem, il faut toujours que je fasse attention à ce que je dis, mais oui, c'est comme ça, mais ça ne va pas. Pourquoi vous êtes dans le fond? Ah, je ne juge pas non plus, hein? non, ce n'est pas ça que je veux dire, je vais le dire autrement, mais si vous êtes distrait, si vous avez vraiment envie de trouver la présence de Dieu, mais venez ici, cherchez, comme ça vous n'êtes pas distrait par tout ce qui se passe, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y en a toujours deux qui parlent. Tiens, il y en a encore deux qui parlent d'ailleurs. Il y a toujours deux qui parlent, et encore deux qui parlent, et un truc qui se passe. Et vous n'avez pas loué comme ça. Et quand on cherche la présence de Dieu, quand on loue, ce n'est pas comme ça qu'on doit louer. Vous devez chercher à entrer en communion avec Dieu. Si on loue comme ça, la manière dont on loue ici, c'est une manière de louer, qui témoigne que vous aimez le Seigneur, hein, je vous le dis franchement, ce n'est pas pour vous flatter, mais qui témoigne aussi que vous ne croyez pas vraiment qu'il va se passer quelque chose, et que Dieu va vous toucher, et que Dieu va vous transformer, et que plus vous continuez, plus Dieu va faire quelque chose, il va changer vos cœurs, etc. Vous allez être touchés. Quand vous aimez quelqu'un, vous, je vais vous dire quelque chose, vous avez des enfants, pour la plupart, vous aimez vos enfants, vous avez un mari, une femme, vous aimez votre mari, votre femme, et vous restez comme ça. Mon chéri, je t'aime, tu sais. Puis mais avec vos enfants, c'est comme ça aussi, vous êtes là. De temps en temps, aujourd'hui, c'est le jour où j'ai pensé, c'est important. Vous avez mis d'ailleurs une date, le mercredi, peut-être, c'est peut-être pas le dimanche. Hein. Je vais dire à mes enfants que je les aime. Mes enfants, je vous aime et je tiens à vous dire que vous êtes importants pour moi, blablabla, et vous faites votre liste. Vous avez bien entendu les enfants. Ah ouais, ça leur fait du bien, hein, certainement. C'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça. Vous les prenez dans vos bras, je t'aime, et ça, vous voyez, quand c'est pas comme ça, c'est une relation d'amour. Alors je suis le premier à être contre les sensibleries et les choses qui... Parce que les émotions qui peut-être ne traduisent pas toujours une vérité profonde, mais Dieu est un Dieu d'émotions aussi. Alors quoi? Il faut chercher la présence de Dieu. Dieu veut faire des choses nouvelles. Mais pour faire des choses nouvelles, il faut qu'il trouve dans son église des gens, des chrétiens qui sont amoureux de lui. Qui sont amoureux de lui. Comme on est amoureux de sa femme, de son mari, de ses enfants, vous comprenez, hein, façon de parler, c'est pas amoureux de ses enfants, mais c'est ça que Dieu veut. Et voilà, Dieu veut faire quelque chose de nouveau, mais comme ça, pas avec des religieux. On devient vite religieux. Tous, hein, moi aussi, hein, et religieux, c'est quoi? C'est quand on croit que quand on va faire sa petite BA, sa petite action chrétienne, spirituelle, en venant s'asseoir le dimanche, un peu prier, un peu chercher la présence de Dieu, puis alors on rentre, on est content, mais quand même un peu frustré, etc. C'est ça la religiosité, cette relation qui n'en est pas une. Des actions, des rituels, des choses qui paraissent spirituelles. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et il veut que tu l'entendes. Il faut dire la vérité. Les gens s'ennuient pendant la louange parfois. Parfois, il y en a ici, ils s'ennuient pendant la louange. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la présence de Dieu. Tu ne peux pas t'ennuyer pendant que tu loues le Seigneur. C'est impossible de s'ennuyer. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est impossible de t'ennuyer. La prière, c'est pareil. On ne s'ennuie pas dans les réunions de prière parce qu'on est dans la présence de Dieu. Pendant les prédications, on n'est pas fatigué parce que l'heure passe. Parce que Dieu nous parle, parce qu'on a le cœur ouvert, parce qu'on est attentif. Ce n'est pas normal, vous voyez? Ce n'est pas normal. Et ces choses-là, ce ne sont pas des reproches de Dieu, ce ne sont pas des accusations, parce que l'accusateur, c'est l'ennemi. Dieu, quand il dit « change ça », c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut faire quelque chose de bon et de nouveau. Et donc, c'est ça que j'ai à vous dire aujourd'hui. Dieu veut faire quelque chose de nouveau, Dieu veut faire une chose nouvelle. Mais pour ça, et Jérôme, si tu peux afficher le verset, mais on va pas l'afficher. Enfin, il n'y a pas besoin de l'afficher, on va faire comme ça. Si Dieu ne l'affiche pas, c'est mieux comme ça. Pour ça, Dieu utilise certaines méthodes, quand Dieu veut faire des choses nouvelles. Plusieurs méthodes, et il y en a une qu'il utilise, et ça se trouve dans Osée 2, 14, je vous dis quand même le verset, parce que vous devez vérifier. Là, le verset qui dit ceci, il dit « Je veux l'attirer ». Il parle de quelqu'un, il dit « Je veux l'attirer ». Donc ça parle d'une méthode de Dieu. Et ici, c'est pour toi, c'est pour moi, je veux t'attirer. Bon, parce que vous allez voir que si... Bon, affiche-le, Osée 2, 14. Parce que vous allez croire que je tronque le texte. Et 2, 14. Osée 2, 14, non, c'est pas ça. Moi, je l'ai cité tellement de fois en me gourant chaque fois, alors. Bon, c'est pas grave. Il faudrait retrouver la référence. Je suis sûr que quelqu'un... Ah ouais, si Luc était là, il aurait cherché sur son... Voilà, bon. C'est pas difficile. Quand vous avez la Bible, sur le GSM, vous allez sur Osée, faites recherche, attirer. Pop, tous les versets où il y a attirer. Ah, voilà. 2, 16, voilà, voilà. Voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Voilà, bon. Autrement dit, ça, on voit, c'est pas compliqué, je ne vais même pas parler du contexte, ça, c'est pas important. Enfin, Voilà, ce n'est pas important maintenant. Ça, ça parle d'une méthode de Dieu. Dieu attire quelqu'un dans le désert. Pourquoi ? Pour parler à son cœur. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que tu veux être transformé par, Dieu ? Est-ce que tu veux avoir des choses nouvelles dans ta vie ? Est-ce que tu veux avoir une nouvelle relation avec Dieu ? Est-ce que tu veux connaître les choses de la Bible, les choses dont la Bible parle, les choses dont les évangiles parlent, dont les actes des apôtres parlent? Est-ce que tu veux connaître ces choses-là? Mais si tu veux connaître ces choses-là, il faut que tu entendes la voix de Dieu. Est-ce que tu veux entendre la voix de Dieu? C'est ça la question. Est-ce que tu veux l'entendre? J'espère que oui. Parce que la Bible dit, et là je ne connais pas la référence par cœur, encore une fois, c'est parce que le verset me vient comme ça, il n'y a pas... non, c'est pas, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, hein, c'est pas ça. Ça serait bien dans la Bible aussi, ça. Mais non, c'est pas assez profond encore pour la Bible. La Bible dit ceci. Celui qui détourne son oreille pour ne pas entendre la voix de Dieu, qu'est-ce que ça dit le reste? Je le sais, hein, c'est pas pour... Le reste dit quoi? Vous ne connaissez pas ça? Celui qui détourne son oreille pour ne pas entendre la voix de Dieu, sa prière même est une abomination. Ah ouais? Bon ben, il va falloir qu'on le trouve alors, la référence. Même sa prière est une abomination. Il faut écouter la voix de Dieu. Ah, vous allez dire, quoi? Comment? Ma prière est une abomination? Oui, c'est ce que Dieu dit. Et donc Dieu veut te parler. Il y a des sourds. Les églises sont remplies de gens qui ont... C'est pas qu'ils sont sourds, non. Les églises sont remplies de gens qui se bouchent les oreilles. Ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas changer. Ils veulent faire comme on a toujours fait. Ils veulent toujours retourner au passé. Ils veulent toujours s'appuyer sur ce qu'ils ont connu. Ils veulent toujours s'appuyer sur ce que les autres font. Et comment les églises ont toujours fonctionné. Dites-moi, je vais vous dire quelque chose, pardon. Les églises, la plupart des églises, beaucoup d'églises fonctionnent mal parce qu'elles sont habituées sur des, appuyées sur des habitudes. Oh, il y a beaucoup de bonnes églises, hein. Il faut comprendre ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que peu d'églises marchent par le Saint-Esprit et cherchent à être la véritable assemblée, la véritable église que Dieu veut. Et donc, Dieu fait ceci, il amène les gens dans le désert pour parler à leur cœur. Alors cette parole-là n'est pas agréable, mais si Dieu doit le faire, il le fait. Je veux t'attirer et te conduire au désert et je parlerai à ton cœur. Alors je vais vous dire ceci. Es-tu dans le désert? Es-tu dans un désert dans ta vie? Es-tu dans un désert de réponse? Un désert d'entendre la voix de Dieu? Un désert de sentir sa présence? Dis-toi que c'est probablement parce que Dieu t'attire dans cette solitude, pour parler à ton cœur. T'es-tu déjà posé la question? Et si Dieu répondait? On en a parlé aussi sur le trajet, Jérémie, rappelle-toi, on se disait, et si Dieu répondait à tout? Et si Dieu nous comblait? Et si Dieu nous... dans tel et tel et tel domaine? Que se passerait-il? Est-ce que tu continueras à le chercher? Parfois la frustration, je ne dirais pas qu'elle vient de Dieu, mais Dieu la laisse et ne répond pas. Parce que s'il répondait, tu serais content. Et tu viendrais peut-être encore à l'église t'asseoir. Et tu ne chercherais pas plus. Alors Dieu te laisse dans le désert. Parce qu'il veut parler à ton cœur. Parce qu'il veut te changer. Parce qu'il n'est pas satisfait, lui, de la relation qu'il a avec toi. Il n'est pas satisfait. Alors il te laisse dans ce désert. Il t'attire dans ce désert. Peut-être maintenant, c'est une chose passée. Peut-être aussi c'est une chose à venir, où Dieu est en train de t'amener dans un désert. Et dans ce désert, tu as le choix de détourner ton oreille de la pensée de Dieu ou de le chercher. Peut-être aussi tu as le choix, avant d'être emmené dans le désert, de chercher toi-même la présence de Dieu, de chercher toi-même à rentrer en communion avec Dieu. Voilà, alors pourquoi Dieu fait ça? Je vous dis, mes frères et sœurs, si certains ici sont dans le désert, donc je ne sais pas, je n'ai pas envie de prendre une multitude d'exemples, je ne sais pas, mais si certains sont dans, voilà, une espèce de stagnation spirituelle depuis longtemps, une espèce de stagnation au niveau des sentiments, au niveau de, je veux dire, voilà, je ne sais pas, dans votre relation avec Dieu, encore une fois, je le répète, dans les réponses aux prières, dans vous avez envie de plus et vous êtes frustré. Peut-être il y a des réponses importantes aussi que vous attendez, qui ne viennent pas. Il y a toutes sortes de choses qui vous sentent bloquées dans votre vie, etc. Ce sont des déserts. Dites-vous que Dieu ne prend pas plaisir à ce que vous soyez dans cette espèce de manquement, de frustration, simplement pour le plaisir que vous soyez dans la frustration. Peut-être certains aussi sont simplement blasés. Et ça, c'est dommage. Mais ça, c'est autre chose. C'est vraiment dommage. Parce que ce que Dieu veut, c'est quelque chose, je vous le répète, quelque chose de nouveau. Il veut créer quelque chose de nouveau. Et donc, pour ça, il faut que tu tendes ton oreille. Il faut que tu écoutes. Et il faut que tu te consacres à Dieu. Il faut que tu changes, que tu acceptes de changer. Il faut que tu te remettes en question. Il faut que tu te demandes et que tu te poses les questions. Est-ce que je fais les choses convenablement? Il faut que tu te poses les questions et que tu te demandes, est-ce que vraiment ce que je dis et ce que je fais est bon? Est-ce que vraiment je suis dans la volonté de Dieu? Et bref, il faut que tu laisses Dieu te parler. Il faut que tu laisses Dieu te parler. Il faut que tu laisses Dieu te toucher là où il doit te toucher. Et souvent, ce sont des endroits qui sont bloqués. Et alors, tu restes dans le désert longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, parce que ces choses-là, il faut qu'elles s'écroulent. Raisonnement, habitude, des constructions comme ça qui datent depuis tellement longtemps. Toute ta vie chrétienne peut-être, toute ta relation avec Dieu, toute ta spiritualité construite avec des mauvaises briques, avec les mauvaises pierres, avec les mauvais exemples, avec les mauvaises façons. Il faut que tu laisses Dieu te parler pour te changer. Alors ce désert n'est pas pour rien. Tends l'oreille. J'ai quelques versets à vous lire. C'est aussi une question d'amour envers Dieu. Et ces quelques versets, c'est dans Apocalypse 2. Et là aussi, j'ai parlé, mais je ne sais plus quand. Je sais que j'ai déjà fait des prédications sur les lettres, pas toutes, mais sur les lettres, lettres aux églises. Lettre à l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, 1. Soyez attentifs à ça et réfléchissez bien. Écris à l'ange d'Éphèse, dit le Seigneur. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Œuvre, travail, persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Waouh! Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Waouh! Non, on va aller avant. On retourne. Encore avant, aux deux. Voilà. Ça, c'est une bonne église. C'est une bonne église. T'es aussi bien que nous, tiens. T'es aussi bien, peut-être aussi bonne que la nôtre. Ouais! Attendez, le Seigneur te dit, et dit à son Église, je connais tes œuvres et ton travail, tu évangélises, tu fais ceci, tu fais cela, tu soutiens les pauvres, je ne sais pas, tu fais beaucoup de choses. Ta persévérance, parce que, oh là là, il y a eu la maladie, il y a eu la souffrance, il y a eu des épreuves, il y a eu des découragements, il y a eu des blessures, oh, il y a eu la persécution peut-être, mais je connais ta persévérance, waouh, tu es toujours là. Et je sais que tu ne peux supporter les méchants. Quand on parle du péché, oh là là, le monde est en train de sombrer dans des raisonnements vraiment absurdes. Soit. Mais toi, tu ne supportes pas tout ça. C'est ça, les méchants, ça veut dire que ce n'est pas haïr les gens, évidemment. C'est haïr le péché, tu es dérangé par ça. Moi, je suis dérangé par le mal. Oh, je sais que tu es dérangé par le mal et tu ne supportes pas ces choses-là. Je sais que tu as éprouvé ceux qui sont apôtres et qui ne le sont pas. Ça veut dire quoi? Tu n'acceptes pas les choses qui ne sont pas dans la vérité. Tu ne te laisses pas impressionner par des gens qui manipulent la parole. Tu ne te laisses pas impressionner par des gens qui ont un faux enseignement, etc. Non! Non, ils se disent apôtres, ils se disent enseignants, ils se disent prophètes. Mais non, tu as vu. Non, ils disent des choses fausses. Moi, je suis la parole de Dieu. J'ai un bon enseignement. Je ne m'en détache pas. Waouh! Vraiment comme nous, hein, ça. Presque aussi bien que nous, cette église-là. Et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Voilà, ça, c'est ce que je dis. Verset suivant. Je sais que tu as de la persévérance. Épreuve, séparation, décès, quoi, je sais pas moi, etc., etc., etc. Tu as souffert, mais tu persévères. Et puis même tu as souffert à cause de mon nom, ah ouais, parce que tu as pris des choix dans ta vie, des choix qui n'étaient pas dictés par ton propre intérêt, mais par le nom de Jésus, par son obéissance, enfin par l'obéissance, par ton obéissance envers lui. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas fatigué. Non? Oui, presque aussi bien que nous. Des éloges pareils, qui n'en voudrait pas? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. J'ai contre toi, c'est pas moi qui le dis. Dieu dit j'ai contre toi, Jésus dit j'ai contre toi. Comment est-ce qu'il faut le dire? Oh, des reproches, c'est cela, blablabla. Nous, c'est toujours du blabla. Ouais, mais il a dit ça. Non, la Bible dit ça. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Alors quand je vous dis que la louange, pardonnez-moi, alors il faut dire la vérité. Est-ce que tu veux entendre, je le répète, hein, est-ce que tu veux entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu veux connaître la présence de Dieu? Est-ce que tu veux être touché par son cœur? Est-ce que toi, tu veux que tes prières à toi, elles touchent le cœur de Dieu? Est-ce que tu veux que l'Église bouge, qu'elle change, qu'on sente l'onction de la présence de Dieu, etc., etc. Je ne sais pas comment vous le dire, moi. Je ne sais pas comment. Tu veux ça? Alors quoi? Tu dois retrouver ton premier amour. C'est ça. Alors, je peux vous dire la vérité. La louange, par exemple, la louange montre que nos cœurs sont... Je suis désolé. On doit être là, mais oh Seigneur, j'ai soif de ta présence. Et pas... Non. Je ne me moque pas, hein. J'essaye de vous faire rire, quoi, pour vous faire avaler la pilule. Je me rappelle toujours ma belle-mère. Vous savez, moi, quand je prends des médicaments, si je dois prendre 5, je fais... Voilà, ma belle-mère, avec, comme c'était une gélule... On n'arrivait pas, quoi. Je ne sais pas vous. Moi, j'avale, je mange ça. Est-ce que tu l'avales? Il faut que tu manges ça. Alors, j'essaye de vous le faire avaler. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ça ne rigole pas. Hein? Verset suivant. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et tu serais quoi? Sans la mort, la résurrection, le sacrifice de Jésus et ce qu'il a fait pour toi, tu serais où? Mais tu serais où? Et tu aurais quoi comme espérance? Repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'est quoi les premières œuvres? Normalement, quand on se convertit, on est plein d'enthousiasme pour découvrir toutes les choses qu'on ne connaît pas de Dieu. C'est comme quand on est amoureux. On veut découvrir la personne, on veut la voir tout le temps. Tout le temps. Et on est bien avec cette personne. Eh bien, ça, c'est ce que Dieu reproche. Tu as perdu ton premier amour et je veux que tu retrouves et que tu pratiques tes premières œuvres. Me voir tout le temps, être tout le temps avec moi, être tout le temps dans ma présence, me connaître, m'aimer, c'est ça que je veux. Et je te reproche Je te reproche, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. C'est ça que je te reproche. Je veux faire quelque chose de nouveau avec toi. Je veux faire des grandes choses avec toi. Oh, Dieu n'aime bien quand on entend ça. Je veux faire des grandes choses avec toi. Mais seulement pas comme ça. Ce que je veux, c'est que tu retrouves ton premier amour, que tu te repentes et que tu pratiques tes premières œuvres. Alors là, il y a quelque chose de très important. Que tu te repentes. Ça parle. Ça parle. Parce que quand on te dit, tu as persévéré, tu ne t'es pas détourné de la doctrine. Tu ne m'as pas abandonné. Tu n'as pas pratiqué le mal. Tu as été fidèle. Et blablabla, et blablabla. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur que par ta grâce, j'ai pu être fidèle jusqu'à la fin. En tout cas jusqu'à maintenant. Voilà. Eh bien, non. Le Seigneur dit, repends-toi. Comment repends-toi? Tu viens de me dire, j'ai tout fait bien. Dis-moi un truc que je n'ai pas bien fait. Dis-moi un truc que je n'ai pas bien fait. Je suis là à la prière. Je suis là tous les dimanches. Je cherche à faire des bonnes actions. Je ne sais pas quoi, moi, je ne sais pas ce qu'on peut se dire. Non. Seigneur dit, repends-toi. Parce qu'il y a des choses, tu as fait des compromis. Il y a des choses que tu as laissées aller. Il y a des petites choses que tu acceptes. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus satisfait avec ta relation avec Dieu. Quand on est amoureux, on a envie de faire plein de choses, mais jamais sans son amoureux ou sans son amoureuse. Non ? Tout est bien. On part en vacances, on fait tout, mais l'amoureux ou l'amoureuse n'est pas là. Alors, ce n'est pas si bien que ça. Et on se réjouit même de rentrer de vacances. Je ne sais pas, c'est parce que je pense à mes vacances, mais... Ben moi, j'étais avec Brigitte, c'est pas un bon exemple, mais vous voyez, mais c'est vrai. Et les choses n'ont pas de saveur. Les choses n'ont pas de saveur. Ben, c'est ça que Dieu dit. Repends-toi. Alors, pour se repentir, ça veut dire qu'il y a un reproche. Et si Dieu dit repends-toi, c'est qu'il y a quoi ? Un péché. Un péché. Ah oui. Avoir abandonné son premier amour, c'est un péché. C'est un péché. C'est quoi le péché ? Vous savez ce que c'est le péché ? Je vous en ai déjà parlé, vous devriez savoir. C'est quoi péché ? Merci. Ah, ça me fait du bien. Je sais, vraiment, je ne mens pas, ça me fait du bien. C'est la preuve qu'on écoute. C'est manquer le but. C'est manquer la cible. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire après ça ? Est-ce que tu manques la cible ? C'est quoi la cible ? Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, je viens de le dire. Repends-toi. Pratique tes premières œuvres. Parce que tu manques la cible. Donc tu pèches. Donc repends-toi. Tout ça, c'est bien, mais moi, ça ne suffit pas. Et même, il dit, si tu ne te repends pas, repends-toi. Je t'aime, repends-toi. Je veux faire des choses nouvelles avec toi. Des grandes choses, etc. etc. Mais, premièrement, je quitte un peu le texte, mais je dis un truc qui est vrai. Premièrement, si tu ne comprends pas ça, je vais t'amener dans le désert. Comme ça, cet endroit-là, je vais te parler. Alors, je ne vais pas t'amener dans le désert pour que tu ailles, pour que tu sois mal. Non, je vais t'amener dans le désert parce que là, tu ne verras rien, tu n'entendras rien, il n'y aura rien pour te distraire, aucune chose agréable qui prendront ma place, etc. Et il n'y aura que moi et qu'une seule possibilité, que tu te tournes vers moi. Alors, parfois, oui, Dieu ne répond pas. Heureusement que Dieu ne répond pas. On a encore parlé, je pense, sur le trajet. Je ne sais plus, enfin, en tout cas, j'ai pensé à ça, mais je me dis, mais heureusement que Dieu n'écoute pas. Heureusement que Dieu n'écoute pas. Mais ce n'est pas écouter, mais toutes les prières. Heureusement que Dieu ne répond pas à toutes les prières. Si Dieu répondait à toutes nos prières, répondez un peu à toutes les prières de vos enfants, vous allez voir ce que vous allez en faire. Est-ce qu'on fait des enfants respectueux ? Est-ce qu'on fait des adultes respectueux et responsables en répondant à toutes les demandes de ses enfants ? Même s'ils demandent des bonnes choses. Parfois, on leur dit non juste parce qu'on dit ben, « j'ai dit trop oui ». Et dire non, parce qu'il va croire que je dis oui à tout. Non, ça vous est jamais arrivé, ce genre de truc ? Voilà. Vous allez faire quoi ? Eh bien, Dieu, c'est pareil. Heureusement que Dieu ne répond pas à tout. Pour avoir une relation saine avec Dieu, de préférence, vraiment de préférence, n'attendez pas que Dieu vous amène dans le désert pour pratiquer vos premières œuvres. Ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu de vous faire souffrir. Il ne vous amène pas là, d'ailleurs, pour vous faire souffrir. Ce n'est pas ça que le texte dit, je l'ai lu. Il vous amène là pour vous parler. Il dit, j'ai quelque chose à te dire. Tu dois abandonner tes anciennes habitudes. Tu dois abandonner tes raisonnements. Tu dois arrêter d'appuyer ton espérance sur une façon de faire, sur des anciennes choses, sur... Non, tu dois être à l'écoute de mon Saint-Esprit. Et tu dois chercher ma présence, etc., etc. Je peux en dire plus. Parce que, il dit, si tu ne fais pas ça, ouais, je vais t'amener dans le désert d'abord, et puis après, si tu détournes, eh tiens, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça me fait penser à ce verset que j'ai dit, hein. Celui qui détourne son oreille pour ne pas entendre la voix de Dieu ou la loi de Dieu, sa prière même est une abomination. Tu peux dire la référence si tu veux. Voilà, Proverbe 28:9. Ah, c'est bien, j'aime mieux comme ça parce que ça dépend les versions. Pour ne pas écouter l'enseignement. Ouais, il y a des gens qui viennent, ils sont contents. Ils disent, oh, c'était bien aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Oh. Puis alors le pasteur, oh, aujourd'hui, il a parlé comme ça. Oh, aujourd'hui, oh, il s'est répété. Oh, aujourd'hui, il a été long. Oh, aujourd'hui, c'est plus un enseignement, il fallait suivre. Oh, blablabla. Bla, bla, bla. Oh, la louange, c'était bien. Ah, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Oh, blablabla. Bla, bla, bla. Mais qu'est-ce qui a changé dans ta relation avec Dieu? C'est ça l'important. C'est ça. Ne détourne pas ton oreille pour écouter l'enseignement, pour ne pas... Voilà, celui qui détourne, c'est pareil. Voilà. Les négations, hein, on ne va pas jouer avec ça. Écoute l'enseignement, écoute-le. Ça veut dire quoi? Digère-le, mets-le en pratique. Parce que si tu ne le fais pas, même ta prière est une abomination. Mais tu ne m'écoutes pas. Je suis en train de te dire je t'aime, je veux avoir une relation avec toi pleine. Et tu t'en fiches? Tu continues avec ta religiosité? Et tu continues à creuser des puits et des fosses crevassées qui ne retiennent pas l'eau? Dit un autre verset. Tu t'appuies sur des choses sans importance? Tu mets ta confiance sur ton compte en banque? Tu mets ta confiance sur ta famille? Tu mets ta confiance sur ton avenir, ton métier, sur ce que tu vas faire, sur ta future maison? Je ne sais pas quoi. Tu mets ta confiance en quoi? Dans les bénédictions de Dieu peut-être, que les bénédictions que Dieu va t'accorder? Non, tu dois tout miser sur ta relation avec lui, cette connexion et cet amour avec lui. Parce que sinon ta prière même est une abomination. Alors on remet le verset précédent, enfin pas le verset précédent, mais le texte précédent, dans Apocalypse, où Dieu dit, si tu ne fais pas ça, je ne vais pas en rester là. Je vais, et il dit sinon, ça veut dire que si tu ne le fais pas, si tu ne changes pas, c'est une bonne traduction aussi, si tu ne changes pas radicalement, c'est une autre traduction, je vais venir vers toi, mais là c'est moins marrant, je vais ôter le chandelier de sa place. Encore une fois, à moins que tu ne te repentes. Repens-toi. C'est quoi se repentir? C'est quoi? Je vous en ai assez parlé aussi, vous savez ce que c'est quoi se repentir? Voilà, demi-tour, changer de direction. Demi-tour. Oui, tu viens à l'église, continue. Oui, tu viens à la prière, continue. Oui, tu lis ta Bible tous les jours, tu pries toujours, continue. Mais fais demi-tour quand même. Je vais ôter mon chandelier de sa place. Ça veut dire que c'est l'esprit, je vais ôter ma présence. Je vais ôter ma présence. Moi, j'aurais presque envie de dire que Dieu va dire, mais non, je vais plus rester à côté de toi. J'ai besoin d'un sourire, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton premier amour. Et si tu n'entends pas, mais je vais me retirer parce que je ne suis pas bien avec toi. Je ne suis pas bien avec toi. Tu me récites des poèmes. Tu me fais des petits cadeaux, comme un enfant qui fait des petits cadeaux à sa maman ou à son papa pour avoir des bonbons. Voyez? Mais je ne suis pas satisfait avec ça. J'ai retiré mon chandelier. Dieu veut que tu dépendes de lui. Dieu veut que tu saches que tout est en lui. Je l'ai déjà dit aussi. Mais pourquoi je vais dire des choses nouvelles si les premières ne sont pas digérées. Dieu veut que tu saches que tout est en lui, pas dans ce qu'il donne. La bénédiction ne se trouve pas dans les bénédictions. La bénédiction se trouve en Dieu. Vous comprenez ? En lui. Le bonheur, tout, la paix, tout, en lui, en sa présence, être avec lui. Ce matin, même si... Voilà, la louange, je vous ai un peu cassé, mais ce n'est pas pour vous casser. Hein. Ah, j'étais content. J'ai dit, c'est bizarre. Je me sens tellement bien, mieux que partout où j'ai pu aller, mieux que qu'au son des cigales, mieux qu'au son de... Pff, voilà. Parce que tout est vanité. Alors, voilà, je ne dis pas qu'on ne peut pas partir en vacances, et qu'on ne peut pas faire des choses, mais... Je dis, waouh, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Je ne viens pas à l'église parce que j'ai peur de ne pas y venir et parce que j'ai peur de perdre telle ou telle chose. Parce que je sais qu'il y a de ça des fois. Mais je viens à l'église parce que je veux rencontrer Dieu. Je veux rencontrer mes frères et sœurs parce qu'il y a quelque chose dans l'église, parce que c'est le corps du Christ. Même si je sais que le Seigneur est avec vous aussi chaque jour. Et il a promis. Cette promesse est celle-ci. Parce que c'est un encouragement que je vais vous donner aujourd'hui. C'est un encouragement que le Seigneur veut vous donner. Ésaïe 43, au verset 18. La phrase commence au verset 16 où Dieu... Enfin, c'est Ésaïe qui parle plutôt. C'est Dieu qui parle, mais Ésaïe commence en disant, vous allez comprendre, au verset 16, en disant, « Ainsi parle l'Éternel. » Et c'est ça que Naomi aime bien. C'est vrai que tu aimes bien ce verset-là. Et puis au verset 18, « Ainsi parle l'Éternel. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. » Voici. Voici, c'est quoi ? Quelque chose qui vient, voici, quelque chose qu'on montre, voici. Je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle dans l'église, dans ta vie. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Sur le point d'arriver, elle est là. Ne la connaîtrez-vous pas ? Une phrase comme ça, ça veut dire que vous allez la connaître. Je mettrai un chemin dans ton désert. C'est dans le désert, mais c'est dans ton désert, forcément. Je mettrai un chemin dans ton désert. Ah ! Et des fleuves dans la solitude, dans ta solitude. Mais est-ce qu'on va entendre ce que Dieu a dit ? Ou est-ce qu'on va détourner son oreille pour continuer ? Continuer avec des habitudes simplement. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Et c'est ce qu'on doit dire aussi, peut-être dans la louange. On n'a pas toujours peut-être envie. Mais au moins, on doit s'approcher de Dieu. Seigneur, on peut dire, moi je dis des fois, Seigneur, j'ai ni envie de te prier, ni envie de te louer. Je dis parfois ça, hein, mais je vais le faire, je vais le faire. Vous avez déjà dit ça aussi, que je dis parfois à Dieu, oh Seigneur, je sens une tiédeur dans mon cœur. Qu'est-ce que je déteste ça ? Renouvelle ça. Et Dieu le fait. On a le choix. Tu as le choix. Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et quelque chose de nouveau dans l'Église. Mais permettez-moi de mettre les pieds dans le plat. Le changement dans l'Église ne va pas passer par une structure copiée sur telle et telle et telle, même la meilleure des Églises, avec ceci, cela, et tout mis sur papier, etc. On fera ça quand tu te laisseras toucher par le Saint-Esprit. Et on va le faire, hein ? Enfin, on va le faire à notre manière. On va le faire à la manière du Saint-Esprit pour cette Église-ci, comme il va faire autrement pour une autre Église. Mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. Sinon, on va devenir une entreprise bien organisée, et puis quoi ? Qu'est-ce qui va remplacer la prière ? Qu'est-ce qui va remplacer l'amour pour Dieu ? Des réunions ? C'est pas ça que Dieu veut, hein ? C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut des gens qu'il aime, qu'il cherche. Alors ceux-là, il va les utiliser. Et les choses se font très facilement alors, très facilement. Faut pas chercher, faut pas chercher alors. Oui, Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je termine. Nous avons été libérés de l'esclavage. L'esclavage du péché, l'esclavage du passé, l'esclavage des raisonnements, l'esclavage de tout. Alors ne retournons pas à nos chaînes. Parce que c'est ce qu'on fait souvent. Ne retournons pas à nos chaînes. Des chaînes qui ont déjà été brisées. Ne retournons pas à nos chaînes parce qu'il y a quelque chose en nous qui aime ce qui est ancien, qui aime ce qui est passé parce que ça te rassure. Moi, ça ne me rassure pas ce qui est passé. Même s'il y a des choses parfois qui nous ont semblé bonnes, mais ça ne m'attire pas le passé. Ça ne m'attire pas parce que je sais que Dieu est un Dieu créateur qui fait toutes choses nouvelles. On le chante. Tu fais toutes choses nouvelles, tu fais toutes choses nouvelles. Non, on le chante. Dieu fait toutes choses nouvelles. Alors, le passé, ça ne m'intéresse pas. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle, dit Seigneur. Vous allez la connaître. Je vais faire un chemin dans ton désert et des fleuves dans la solitude. Le chemin, c'est lui qui va le tracer. C'est pas toi. Vous avez le premier stade de cette histoire-là. D'abandonner le premier amour, etc. Je veux dire, le premier stade, c'est justement qu'on abandonne ce premier amour. Il y a une flamme qui diminue. Le deuxième stade, c'est qu'on retourne aux choses passées. Péché, pas seulement péché, raisonnement, etc., etc., etc. Parce que le passé rassure. On sait ce que c'est. L'avenir, on ne sait pas trop, quand on doit s'appuyer seulement sur le Seigneur, on ne sait pas trop. Voilà, souvent c'est ce qui se passe. Ta responsabilité et la mienne, c'est de conserver ce que Dieu t'a donné. Mais de chercher aussi ce que Dieu veut. Ta responsabilité, c'est quoi? Garde cette flamme que Dieu t'a donnée. Garde cette libération, cette délivrance que Dieu t'a donnée. Cherche la présence de Dieu et la volonté de Dieu. Laisse Dieu renouveler tes pensées. C'est ta responsabilité. Ne sois pas un auditeur oublieux. Amen. Est-ce que l'église de Warem, est-ce que vos oreilles ont entendu? Et est-ce que tu vas laisser Dieu faire quelque chose? Est-ce que tu vas contaminer, pas seulement en mettant la vidéo et en encourageant les gens à l'écouter, ce qui veut dire qu'il faut le faire, ça veut dire fais-le, mais contamine ta femme, contamine ton mari, contamine tes frères et sœurs, parle-leur. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, toi tu es saint, tu es adroit, tu es subtil, tu es digne, tu es... Et toi seul, moi je suis maladroit. Oh, combien je suis maladroit, combien je suis... Ce n'est que moi, quand je parle, ce n'est que moi. Mais derrière moi, derrière ma maladresse, derrière mes erreurs peut-être, toutes ces imperfections, derrière moi, il y a ce que tu veux. Il y a ta présence. Il y a ta volonté. Il y a ton désir de tout renouveler en nous et de retrouver cette première flamme, ce premier amour. Et Père, je te prie que par ta grâce, tu nous aides à être fidèles jusqu'à la fin et à renouveler. Et je pourrais faire un appel, mais j'ai pas besoin de voir des gens qui lèvent la main ou qui se lèvent, etc. C'est Dieu qui voit les cœurs. Et j'espère que tu te dis et tu dis à Dieu, Seigneur, je veux pas que tu retires le chandelier là, je veux pas. Et je te cherche, je veux ça, je veux ta présence, je ne veux jamais t'abandonner, je veux jamais, jamais, jamais. Je veux ces choses nouvelles, je ne veux pas être religieux. Et moi, Seigneur, ça, je te le dis. Par ta grâce, nous voulons être fidèles jusqu'à la fin. Ce n'est pas que nous ayons déjà remporté le prix, mais nous voulons courir, courir. Jusqu'à le remporter. Je te remercie, Père, pour ta grâce, je te remercie pour ta fidélité, je te remercie pour ton immense amour. Je te prie pour cette Église, Père. Et nous voulons, avec ton aide, la construire. Enfin, nous voulons participer à... Parce que c'est toi qui construis ton Église, c'est toi qui l'édifie, et nous voulons participer. Parce que tu ne vas rien faire sans nous. Ça, c'est vrai. Et nous voulons t'entendre et t'obéir. Pour la gloire de ton nom dans cette ville et ici même. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen.